Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du podcast auto, émission de la semaine du 16 septembre 2014. J'espère que vous allez bien, Luc Desormeaux au micro et à l'animation. Et ce soir, on a une équipe complète. Je vais commencer par celui qui va venir parler avec nous de ce soir. On parle de course Formule E, donc de course de voitures électriques. Simon-Pierre Rioux, salut Simon-Pierre. Bonjour Luc. Ça va bien? Ça va bien, ça va être un super sujet aujourd'hui. Oui. J'espère qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont écouté ça. Avec moi, j'ai aussi Martin Sagala. Salut, Martin. Salut, Luc. On a réussi à récupérer Martin. Martin qui travaille de nuit, de jour. Pas. C'est la saison des travaux routiers. C'est ça, la saison des travaux routiers. Martin qui est camionneur, pour ceux qui ne le savent pas, dans la vie de tous les jours. Et puis, un autre amateur de course, Jean-François Beaulieu. Salut, Jean-François. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Donc, c'est ça, messieurs. Je sais que Martin, t'as pas suivi ça nécessairement parce que, bon, à cause sûrement de ton horaire de travail et ton emploi. Un peu rocambolesque. Les autres, on a regardé la course de Formule E ce week-end. Bon, ceux qui savent pas, c'était, ou ceux qui l'ont regardé peut-être, c'était rediffusé à RDS samedi matin à 10h30. Mais pour de vrai, la course s'est passée là, pendant la nuit. C'était en Chine. Ça se passait en Chine à Pékin, je me rappelle bien, c'est ça? Ouais, Beijing. Beijing. La course était finie par le temps qu'on la regardait, mais j'ai essayé de résister le plus possible à savoir c'était qui avait gagné. Et puis, j'ai failli à la tâche à la dernière minute, puis j'étais allé voir sur le site. Oui. Oh. Ben, j'ai dit à ma femme, je te gâche 20$ que c'est lui qui gagne. Elle a dit, c'est impossible, ça. On en reparlera. Donc, messieurs, Formule E, juste pour commencer, on va introduire un peu. Qu'est-ce que c'est? Qui veut se lancer pour l'introduction? Simon-Pierre, tu connais probablement oui, ça un absolument. Peu plus que nous autres, fait qu'on va te laisser aller puis on rajoutera si on a rajouté. Ben, à ce niveau-là, la Formule E, c'est une formule qui est soutenue par la Fédération internationale automobile. C'est une compétition qui n'utilise que des véhicules 100% électriques qui ont une forme qui ressemble pas mal aux autres monoplaces, donc des Formule Indy, Formule 3000. Puissance des moteurs qui sont quand même à 250 kilowatts, donc ça donne peut-être 300 chevaux vapeur. Mm-hmm. C'est un véhicule qui va accélérer de 0 à 100 en 3 secondes, donc très bonne accélération. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est ça a été développé par des grands de la Formule 1. Il y a Williams qui sont responsables de la batterie, il y a Renault qui sont responsables du véhicule, mm-hmm. Il y a Tagore qui s'occupe du timing bien sûr, il y a différentes grosses compagnies comme ça qui s'en occupent puis qui mettent beaucoup de temps pour réussir à avoir un championnat qui est sérieux puis qui va être intéressant. Donc c'est pas seulement les écuries, on a des écuries qui sont déjà qui courent déjà en IndyCar ou qui ont déjà couru en Formule. Mm-hmm. On retrouve aussi des manufacturiers automobiles, on retrouve des pilotes d'expérience qui ont fait des centaines de courses de Formule 1, dont Yarno Trulli par exemple. Mm-hmm. Ouais. Et c'est en 18 mois, je trouve qu'il y a eu une ascension absolument extraordinaire pour ce championnat-là. Ils sont partis d'absolument rien. Ils ont réussi à construire un véhicule performant avec une technologie de batterie qui est quand même très bien pour ce qu'on a présentement. Ça, on en reviendra plus tard. Ensuite, ils ont réussi à attirer des gros noms de course, dont les Andretti, les Audi, les Dragon Racing, Renault. Virgin, Venturi aussi, qui ont le record de vitesse de véhicules électriques sur Terre. Donc, en plus, ils ont réussi à attirer énormément. Il y avait, je pense, une trentaine, une quarantaine de pilotes qui étaient intéressés à pouvoir faire partie de la compétition, puis on a seulement choisi 20, donc deux par écurie. Puis, il y a eu beaucoup de villes aussi qui se sont montrées intéressées, dont notre ville au Canada de Vancouver, qui a démontré un intérêt très important pour pouvoir avoir une course de Formule 1 dans leur ville. Parce pour remplacer la formule Indy. L'arrêt en hiver. Ben c'est ça aussi, à un moment donné, c'est que une des choses qu'ils veulent essayer de faire au niveau de la Formule E, c'est avoir une course qui va être pour le développement durable, qui va être le plus écologique possible. Donc, ils ne se promènent pas à travers le monde d'un continent à l'autre. Ils suivent une route très, très précise, autant avec des avions, puis ils vont utiliser le moins possible des avions, puisque c'est très polluant. Mm-hmm. Ils utilisent surtout des trains et ils utilisent des bateaux pour transporter tout l'équipement, toutes les voitures, les pneus, etc. On est parti de Beijing, on s'en va en Malaisie. Après ça, on traverse l'océan, puis on va aller directement en Amérique du Sud. On va monter l'Amérique, on va aller aux États-Unis. Après ça, on traverse, on s'en va en Europe, puis on finit à Londres. Donc, il y a plusieurs de ces grandes villes-là où on va avoir des courses absolument phénoménales. Puis, par exemple, si l'Australie disait, bon, on voudrait avoir une course, ben c'est certain qu'ils vont s'insérer entre la Malaisie puis l'Amérique du Sud, parce que c'est en chemin, en bateau. Ouais, c'est ça. Qu'ils soient capables d'organiser. Fait que tout est organisé pour essayer d'utiliser puis d'émettre le moins de gaz à effet de serre possible. Autant que pour les pneus, normalement, en Formule 1, c'est assez impressionnant. Ils utilisent 11 paires de gomme molle, 6 paires de gomme dure, des pneus de pluie en plus. Ils ont comme une... Puis ça, c'est pour chacune des voitures de course. Ouais. Alors qu'en Formule E, pour une seule écurie, ben, tu vas te retrouver avec 6 pneus par voiture. Ouais. Point. Pour les essais, pour les essais, pour la pratique, pour les qualifications et pour la course. Donc, il faut que tu gardes tes pneus. Donc, il y a Michelin qui a mis au point des pneus avec des rainures, justement pour s'assurer que bon, c'est un circuit de ville, donc il faut qu'il y ait une bonne adhérence. Il faut que s'il pleut, il ne soit pas obligé de changer les pneus. Il faut qu'il soit résistant pour passer à travers toute la fin de semaine au complet. Ouais. Donc, ils ont produit un pneu qui possède toutes ces caractéristiques-là. Puis, ils ont l'intention aussi de pouvoir amener la technologie de ce pneu-là vers les véhicules électriques plus tard. Puis, c'est ça l'idée aussi de la Formule E, c'est de pouvoir amener... toutes les technologies qu'ils vont être capables de développer dans les prochaines années sur la batterie, les systèmes de contrôle, les moteurs, etc., puis les transposer aux véhicules de monsieur et madame tout le monde. Ouais, un peu comme la Formule 1 a fait avec les années. Là. Souvent, il y a des technologies de Formule 1 qui tranquillement s'en viennent sur les voitures de monsieur et madame tout le monde. On va faire la même chose, on espère du moins. Là. Exactement. Que ça va venir qu'à apporter ça. Non, c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, je regardais la liste des pilotes, la liste des écuries. Puis ce qui est le fun, c'est il y a deux filles qui sont pilotes dans la Formule E. Fait que je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait mélangé des filles avec des gars. On n'aurait pas vu ça là, juste une couple d'années. Puis même en Formule 1, c'est quand même assez fermé. Tandis que là, ben, on a deux filles, il y a deux écuries. Il y a Catherine Legui que Jean-François connaissait parce qu'elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait comme course, tu m'as dit tantôt? IndyCar. Elle a fait du IndyCar. Ouais. Puis il y a Michela Cerutti qui est italienne, qui course avec Trulli. Donc, je veux dire, c'est vraiment le fun. Les pilotes, il y en a quelques-uns qu'on connaît, là. Takuma Sato, on le connaît, parce que si je me rappelle bien, il a fait de la Formule 1 aussi. Oui, oui, oui. Nelson Piquet ben, vient d'une famille connue. les Piquet. Nicolas Prost, le fils d'Alain Prost, qui était sur place et qui avait l'air à se ronger les ongles pendant la course. Bruno Senna, tu sais. Qui j'imagine le fils d'Ayrton Senna. Non, c'est le filleul. Le filleul d'Ayrton Senna. Bon, dans la famille. Tu sais, fait qu'il y a quand même des noms assez connus. Puis les voitures sont quand même assez intéressantes. On parle-tu un peu des voitures? Il y a un moteur, puis il y a un châssis pour cette année. C'est le moteur, c'est Spark Renault SRT01E. Ou c'est le nom de la voiture ou c'est le nom c'est du nom moteur? De la voiture. C'est le nom de la voiture, OK. Fait que c'est une voiture, un moteur, tout le monde est pareil. Et puis ça va changer à partir de l'année prochaine. Exactement. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que ça montre vraiment le talent du pilote et non pas peut-être bien aussi des ingénieurs parce qu'il faut calibrer la voiture même si on a la même chose, là, mais ça reste que ça montre beaucoup le talent du pilote dans ce cas-là parce que tu n'as pas un moteur plus fort que l'autre, tu n'as pas une voiture vraiment différente. Comme c'était en IndyCar il y a quelques années là, où toutes les autos étaient pratiquement pareilles à part la couleur. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça te montre. C'est, dans ce temps-là, les écuries sont responsables d'améliorer les spécifications au niveau aérodynamique, de changer, modifier un petit peu. Tu sais, c'est mettre à leur goût, en fond. Oui, ben pour le goût du pilote, absolument. Puis dépendamment du circuit où est-ce qu'ils vont être. Mais j'ai un côté cynique, là, puis ça me graffine depuis tantôt. Mm-hmm. Je me demande vraiment, là je sais que vous êtes toutes les trois vendues, moi j'ai pas suivi, j'ai un lointain souvenir d'avoir vu que ça allait être développé, puis, mais j'ai plus ou moins suivi, j'ai pas le temps de m'occuper de ça dans ces temps-ci. Puis, je pars d'à peu près zéro, là, j'ai lu vite sur Wikipédia tantôt pour pas l'air ridicule. Mais. Trop tard, t'as manqué ton coup. Ouais, j'ai bien raté ça, hein. Essaye plus là, fort la prochaine fois. Le cynique en dedans de moi-même qui graffine, là. Mais étant donné de l'horaire qui tombe dans l'entre-saison de la Formule 1, mm-hmm. que. Ça a un côté très, très green pour tout le monde qui veut s'y associer. C'est-tu juste une façon de faire du greenwashing en continuant de faire de l'argent dans ton entre-saison puis donner de la job à tout le monde qui est has-been en Formule 1 ou ça a l'air vraiment sérieux? Ben regarde, moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'ils sont vraiment capables de... OK, ils ont fait des autos, ils ont ramassé du monde ensemble, ils ont fait des écuries, ils ont fait des tests. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va-tu vraiment donner... Le monde va t'encourager si tu veux faire ça, là. Y a-t-il vraiment de la compétition? Va-t-il avoir une compétition? Ça va-t-il être intéressant? Ou ça va juste être du monde qu'on a ramassé ensemble? Puis c'est style, oui, pendant l'entre-saison. Amusez-vous avec ça de temps en temps. Une fois par mois, venez courir pour nous autres. Vous avez passé une journée, puis après ça, me retourner à vos affaires qui sont plus payantes, plus intéressantes. Puis j'ai remarqué, la plupart des... tous les pilotes que j'ai pu sur lesquels j'ai pu lire jusqu'à date... trouve ça super trippant. Il y avait un intérêt très poussé à venir courir dans ce premier championnat-là de véhicules entièrement électriques. Fait que c'est pas seulement faire un petit peu de cash de côté. Il y a une vraie volonté. Il y a de la compétition. C'est ça que j'ai aimé voir. Pour la première course, je m'attendais à rien. Je m'attendais à que les autos cassent. Je m'attendais à ce qu'il y ait du monde... disent « Bon, mais je suis rendu trop loin, j'abandonne, c'est who cares, je m'en fous. » Mais finalement, ils ont été jusqu'à la toute fin. Le monde se sont poussés. La finale, les derniers laps ont été ahurissants, vraiment. On a eu un très bon spectacle. Oh, ouais. La formule qu'ils ont présentée de course puis de spectacle a bien fonctionné pour le téléspectateur. Il y aurait quelques petits tweaks que je recommanderais à ce niveau-là. Mais sinon, je trouvais que ça... ça a vraiment dépassé mes attentes, puis je m'attendais pas à grand-chose. Ça a un intérêt, dans le fond, que la Formule 1 a perdu depuis quelques années, étant donné que c'est juste rendu... le monde va à... ils perdent la position de départ, ils finissent pratiquement à la même place quand c'est fini, puis ça ressemble à ça. Il n'y a plus de bataille entre les éditions. Non, puis des consignes d'équipe qui vont faire que c'est lui qui mène au classement, puis c'est ça, lui notre... C'est des véhicules tellement, quand on y pense, c'est tellement limité de partout que technologiquement, c'est 20 ans en arrière sur les autos que nous, on conduit. C'est rendu à un point où ils sont obligés de les brider d'un bout à l'autre. C'est inintéressant en plus. Tandis que ça, c'est nouveau. Puis, tu sais, peu importe, là, t'es un pilote de course, ta job, c'est de gagner des courses. Là. On pourrait te mettre au volant d'une tondeuse. Oui, puis tu vas vouloir gagner pareil. Fait qu'à un moment donné... Même d'un autre point de vue, juste sur le développement, ça va probablement accélérer puis aider celui des voitures électriques à proprement parler, là, qui ont encore un peu de misère à s'imposer. Ouais. Mais... là, au moins, ça a une utilité, contrairement à la Formule 1 qui ne sert plus vraiment grand-chose, à part faire des parades. Là. Non seulement ça, mais en plus, ils ont tout le concept derrière ça. Ils savent qu'ils veulent être vus comme vent, puis ils veulent pousser l'utilisation des véhicules électriques puis sensibiliser la population. Donc, à chacun des endroits où est-ce qu'ils vont, il y a un motor show qu'ils font, donc une exposition de voitures. Donc, tu peux essayer des Chevrolet Volt, des Nissan Leaf, des Renault Zoé, pendant toute la patente, tous les véhicules électriques qui sont sur le marché, que les consommateurs peuvent acheter, ben, ils les ont sur place, puis les spectateurs peuvent les essayer. Oui, ouais, c'est ça super qui est le intéressant. Oui, parce que c'est la façon qu'on nous on le fait, en tout cas à l'AVEC, on fait de la sensibilisation auprès de la population, puis on fait des événements comme ça, où on amène des véhicules, puis on les fait essayer aux gens pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce que ça donne, puis si c'est intéressant pour eux aussi. C'est plaisant de conduire, c'est ça le pire. Oui. Ouais. Non, c'est ça, c'est le fun à conduire. Ce qui limite les gens pour l'instant, c'est bon l'autonomie. Là, tout le monde accroche sur l'autonomie. Ou le prix. Ou le prix aussi, c'est sûr que c'est pas donné. Si la journée que tu vas enlever la subvention du gouvernement, c'est là que ça va commencer à faire mal. Ça va rentrer dans les dents un peu. Mais la question est de voir, est-ce que certains constructeurs prennent pour acquis qu'ils vont en vendre à cause qu'il y a un rabais de 8 000 $, puis la journée que ce rabais-là descend, les prix des autos vont descendre automatiquement parce qu'ils en vendront plus sinon. Ou ça va juste signifier l'arrêt des ventes presque totales, mettons, ici de ce type ça de voiture-là. J'ai ce hâte de que voir. Le prix de l'essence va faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus justifiable d'enlever les rabais le jour où le prix de l'essence va crever le plafond, va être à 2,5 $ du litre. Là, il y a des bonnes chances que les rabais tombent, puis ils vont les vendre quand même. La limite, c'est 2016. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Bon, si on revient à la course, ben c'est ça, les voitures toutes pareilles. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fan boost. C'est le fait que le monde peut aller sur le site internet de Formule E, là, qui est FIAFormuleE.com. Puis vous allez là, puis il y a un bouton qui s'appelle fan boost. Vous pouvez vous enregistrer, puis vous pouvez donner votre vote à un des 10 pilotes. Un des 20 pilotes, puis les 3 pilotes qui vont avoir eu le plus de votes vont gagner un boost pendant la course. C'est ça, c'est très controversé pour des vrais, dire, les puristes. Pour avoir plus de boost. Ouais. Les puristes et les amateurs là, de Formule 1, par exemple, sont pas super chauds à l'idée de ça, parce qu'ils croient que ça va donner un avantage incroyable à un des pilotes. Puis c'est pas ça qui est arrivé de toute pas façon du tout. Pendant la première course. Non. Non. Puis ce qui arrive, c'est que tu as le droit d'avoir un boost. OK? Tu as le droit, en fait, tout le monde a le droit d'avoir deux boosts. Et puis, il y a deux autres personnes qui sont choisies par le public qui peuvent en avoir un de plus. Il faut juste être capable de bien les utiliser. Puis si vous avez tous joué aux jeux vidéo dans votre jeunesse, vous savez bien que juste deux ou trois boosts, là, c'est pas beaucoup. C'est pas même que tu gagnes une course parce que tu te fais ramasser à un moment donné. Ou, tu sais, donc, tu as besoin d'un peu plus que ça. C'est le fun. C'est de la tactique. Puis, je pense qu'en ce moment, les pilotes sont tellement concentrés à essayer de conserver l'énergie dans la batterie qu'ils oublient un petit peu la tactique derrière tout ça. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a vraiment qui se démarquent, certains pilotes qui ont réussi à avoir d'excellentes courses. On pense à Lucas Di Grassi, qui était le testeur des premiers véhicules Spark Renault SRT 01E. Sinon, Nelson Piquet, j'étais un petit peu déçu. Je pensais qu'il allait mieux se débrouiller. C'était un excellent pilote, mais il avait peur. Il y a Yarno Trulli qui s'est même pas qualifié, qui a pas été très, très loin avec ça. J'avoue que le couple doit être assez, la réponse de couple doit être assez spéciale dans une courbe avec un véhicule de ce poids-là. Oui, absolument. Ouais, on les voyait aller dans les courbes quand ça tournait à 90 degrés, puis ça glissait, là. C'est, non, il fallait qu'ils prévoient bien leur courbe à l'avance. Mais tu sais, c'est des pilotes professionnels, là. Tu regardes Nick Heidfeld qui poussait son auto dans les derniers tours parce qu'il se rendait compte que finalement, il restait pas mal de batterie, puis il pouvait voir la machine, puis ça roulait en Moses, là. C'était assez impressionnant. La réaction par rapport à un moteur à essence ordinaire, surtout un auto de course où il y a à peu près 1 000 tours sur 14 000 tours qui sont vraiment utilisables. T'sais, la réponse d'une voiture dans une courbe, la façon qu'elle va se lancer doit être carrément différente avec un auto comme ça, la façon que le couple est livré sur un moteur électrique. Ouais, en plus, ce que j'ai cru en croire, selon ce que. Parce que ce que j'aime, il faut que je donne vraiment un gros high five à RDS là-dessus, là, d'avoir mis le deux top pour faire la description de la course. Là. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait donné ça à j'ai rien contre elle. C'est toujours. Non, mais tu sais, quand il y a quelque chose qui est comme intéressant, mais que c'est pas top à regarder, donne toujours ça à Claudine Douville ou quelque chose comme ça. Là, je m'attendais à voir. C'est voir. L'enthousiasme. Non, mais c'est des nouveaux ou du monde. Mais sais-tu, c'est les commentateurs eux-mêmes qui ont décidé de participer à ça parce qu'ils trouvent ça intéressant. Oui. C'est un nouveau challenge pour eux autres. C'est quelque chose de nouveau à apprendre. Puis en plus, c'est de la course automobile. Que ce soit électrique ou non, c'est de la course automobile, ouais, des noms qu'on connaît, des écuries qu'on connaît. C'est super intéressant de comprendre ce qu'ils sont capables de faire avec ça. Non? Ouais, mais ça reste, tu sais, je donne un gros high five pareil parce que RDRS aurait bien pu dire, ouais, mais votre salaire à vous autres est beaucoup plus haut que si je prends deux nobody pour décrire la course. Fait qu'on va prendre deux nobody. Non, non, ils ont pris le deux top qui font les courses de Formule 1, ils les ont assis là, puis ils ont dit, ben vous allez décrire la course, puis faites votre job. Puis je pense qu'ils ont fait une job écœurante. Mm-hmm. Puis, tu sais, comme je disais, Paul Oud avait l'air à dire qu'il n'y a aucun système d'assistance à conduite, ces autos-là, à comparer à ce qu'il y a sur la Formule 1. Ça doit être spécial. Fait que t'es mieux d'être bon pilote, pas à peu près, parce que t'as plus de couple, puis puis t'as pas d'aide. Ben, on voyait ça des arrange-toi. Il y avait la chicane, puis les pilotes la manquaient tout le temps. Soit qu'ils. Les pneus bloquaient, soit qu'ils en manquaient carrément, puis. Ou qu'ils dérapaient, puis. Ou qu'ils brisaient la voiture. C'est quand même assez demandant là, pour les pilotes, je pense. Est-ce que moi, ce que je veux vraiment donner un two thumbs up à RDS qui, à la dernière minute, ont conclu un accord. C'était une semaine avant la course qu'ils ont annoncé officiellement qui allaient présenter les courses de Formule E sur leur chaîne RDS, RDS 2, RDS Go, etc. Ben parce qu'on avait parlé, je ne sais pas si c'était pendant le show qu'on a fait la dernière fois ou après, mais on avait dit, tu vas regarder la Formule 1, tout ça, puis on avait dit, ouais, mais tu vas regarder ça de nuit parce que RDS ne veut pas le présenter, puis tout ça. Puis, à un moment donné, je regardais dans le guide horaire, je dis, ah, Formule 1 à 10h30, ah, je sais ce que je regarde le matin. Puis là, je me suis dit, si mon père m'avait dit que non, je dis, bizarre, ça a dit. Ah oui, ça a changé complètement, oui. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis, j'écoute pas la Formule 1, justement, parce que moi, l'affaire des consignes d'équipe, puis, c'est un soap opera. La Formule 1, là, c'est comme regarder les feux de l'amour. Là, c'est comme, c'est toujours à peu près les mêmes qui gagnent, de temps en temps. C'est à peu près autant de. Tu sais, c'est à peu près ça. Là. Puis là, ah, mais c'est lui qui est en premier, puis toi, t'es deuxième, mais il va falloir que tu le laisses passer parce que notre meneur, c'est lui, puis on veut gagner le championnat des constructeurs, puis on veut que lui gagne. Le plus cher. Tu sais, fait que ça devient comme, regarde, que le meilleur gagne. Là. Si t'as une mauvaise journée, puis le jeune qui vient de rentrer dans ton écurie, une meilleure journée que toi, il mérite de gagner. Fait que ça. C'est complètement ouvert là-bas. Ils ont aucune. Ils peuvent pas donner de consignes aux pilotes. Ils peuvent avoir toute l'information qu'ils ont sur leur ordinateur pour voir tout ça, mais ils peuvent pas donner de consignes, donc dire aux pilotes, bon, mais t'es peut-être mieux de ralentir ou peu importe, ou laisse-en un passer. C'est aux pilotes à tout décider au complet. Le pilote a toutes les informations aussi, il est capable de décider c'est quand il va faire plus de régénération. Parce que c'est tout ça, là, c'est pas seulement peser sur le champignon puis aller le plus vite possible, c'est capable de conserver de l'énergie pour compléter le premier 12-13 laps, changer le véhicule par la suite, puis après ça, recommencer avec un deuxième véhicule. Ouais, parce qu'on change complètement le véhicule. D'une auto à une autre auto. Puis moi, je pensais que ça casserait le rythme. Je pensais que ça serait tellement bizarre de les voir changer d'auto. Puis finalement, je trouvais ça cool. De voir le gars débarquer à la course, sauter dans son auto, puis décoller, tu sais. C'est comme... Il y avait quand même 50 secondes. J'ai trouvé ça un petit peu trop long. Je pense qu'il va falloir qu'il coupe ça un petit peu. Tu sais, première année, il va s'assurer aussi que tous les mécanos qui sont dans le puits, ils soient capables de faire certain que le pilote est bien attaché, que tout est sécuritaire avant qu'il parte. Donc, ils ne veulent pas dire, bon, dépêchez-vous vite, vite, le premier qu'il fait comme un changement de pneu, peu importe. Comme les courses des années 50. Ils sont beaucoup moins dans les puits qu'avant, qu'en Formule 1. Je pense que c'était 4, peut-être, quand ils changeaient de voiture, contrairement à 15, quand c'est aux aéropuits en Formule 1. Oui, mais ils n'ont rien d'autre à faire. Là. Ils n'ont pas besoin de changer les pneus, ils n'ont pas besoin de rien faire, ils n'ont pas besoin de mettre de l'essence, de la ville. Tu sais, switch d'auto au point à la ligne. L'auto est prête, puis la laisse aller avant que tu arrives. Ouais. On va avancer parce que le temps coule. Si on regarde le calendrier, là, bon, on a fait Beijing en fin de semaine. La prochaine, c'est le 22 novembre, c'était en Malaisie. Après ça, 13 décembre, on s'en va à l'Uruguay. 10 janvier en Argentine. Ça, l'Uruguay, ça va être une piste extraordinaire. C'est le long d'une marina, le long de la rivière. Ça va être vraiment, Wow. vraiment beau. C'est des belles courbes, très beau circuit à cet endroit-là. Là, on a eux autres, ils appellent ça des rondes. Ronde 5, c'est to be announced. À ce que je sache, c'est pas la France, c'est pas Paris qui est en négociation pour le 14 Ça février. serait impossible parce que tu pars de l'Argentine puis tu t'en vas aux États-Unis. Il faut que ça reste dans le coin. Il OK. faudrait que ce soit encore en Amérique du Sud. Ça serait peut-être Rio de Janeiro, à ce OK. que j'ai entendu parler. Parce qu'en Parce que c'est février, ils pas. sont en hiver, pas mal. Ouais, parce que c'est pas annoncé. Après ça, Miami le 14 mars, Long Beach le 14 avril, Monte-Carlo le 9 mai. Ça, j'imagine, ça va être le même circuit que la Formule 1. Ça devrait être Exactement. intéressant. Oui. 30 mai 2015, on s'en va en Allemagne, puis on finit ça à Londres le 27 juin. Donc c'est ça. C'est que c'est une dizaine de courses, dont une dont on ne sait pas où ce que ça va être. Tantôt, je faisais une recherche, puis j'ai vu un article de Radio-Canada qui disait que peut-être Vancouver, la ronde qui est manquante, peut-être, mais. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop d'espoir que ça soit cette année, mais peut-être dans les années prochaines. Ils vont, regarde, si Ouais. ça pogne, ils vont rajouter des courses. Ben C'est ça, sûr. c'est certain. C'est les deux premières années où ils ont des contrats avec ces villes-là. Par la suite, ben, ils sont supposés de bonifier l'offre, autant au nombre d'écuries que du nombre de pistes de centre-ville qu'il va y avoir. Je ne sais pas si on en est rendu à savoir ça, mais si à partir de l'année prochaine, chacun va avoir son véhicule conçu par lui, ils vont concevoir entièrement l'auto, ils vont juste carrément partir de celle-là pour en arriver à d'autres choses. Non, ils vont carrément faire, ils vont avoir leur propre technologie. Ça va être comme la Formule 1. Il va y OK, avoir des règles à c'est suivre là qu'on au va niveau de voir l'aérodynamique, l'implication. etc. Mais ça va vraiment être le gros travail sur les batteries, sur les moteurs, sur les systèmes de contrôle. C'est là que ceux qui sont juste là pour parader vont s'en aller rendu là. Ouais, c'est ça qu'on va voir, qu'est-ce qui va se passer, qui va dominer. C'est là que ça va s'envoler ou se planter, dans le fond. J'ai Oui, hâte parce que là, de. tu regardes à ce niveau-là, Aguri, c'est pas vraiment une compagnie qui a de l'expérience en voiture électrique. Andretti sont capables de faire des véhicules, ça a de l'allure. Chez Audi, ben, ils ont déjà une expérience avec les moyen. véhicules électriques. Oui. China Racing, ça, c'est, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire avec ça. Dragon, c'est américain. Edam, ben, ça, c'est Renault qui font déjà des véhicules électriques. Mahindra, c'est une compagnie de voitures électriques en Inde, donc ils ont déjà l'expérience. Venturi, ils font déjà des voitures haute performance électriques. Trulli, ils sont backés par une écurie britannique qui a fait le record du monde de vitesse avec un de leurs anciens parlementaires. Puis après ça, Virgin Racing, ben ils veulent aller en espace. Donc, ils sont capables d'aller en espace, ils sont capables Ils de ont les faire une fonds, auto les qui a de poches la. assez Oui, profondes. oh, les Ouais, poches profondes, ouais. sont capables. Fait que si on regarde la fin de la course, bon, il y a Luca Di Grassi qui a gagné la course en passant à côté La bande. de deux autres qui s'étaient plantés dans le décor, là, qui étaient Prost puis Heidfeld. Wow, minute, par exemple, c'est pas qu'ils se sont tous les deux plantés. C'est qu'il y en a un qui a planté l'autre, puis comme pas à peu près. Nicolas Prost, là, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais il savait très bien que Heidfeld, un pilote qu'il connaît bien parce qu'il est dans la même écurie que lui dans le World Endurance Championship, je me souviens bien, il savait très bien qu'il allait essayer de le dépasser. C'était évident. On le voyait aller, il suivait, puis là, il coupe à gauche. Il regarde à droite, il est pas là. Il regarde en arrière, il est pas là. Où est-ce qu'il pourrait être? À Au-dessus. gauche? Écoute, il y a des pouvoirs extraordinaires que ces voitures électriques-là. Fait que là, il décide de couper puis aller vers la gauche. Qu'est-ce qui arrive? La roue Je avant me de le demande. Heidfeld explose. Il se ramasse dans le mur. C'était terrible. Ça a dû être le fun après la course, la conversation. Ben, tout le monde pensait qu'il était mort, premièrement. Oh oui, Oh, il a tapé écoute, le tellement le cours mur était solide, détruit. c'est impossible que ce gars-là sorte de là dans un seul Sais-tu, il n'y a morceau. personne qui s'est pressé. Il n'y a personne qui s'est dit, ah, oh, l'auto va exploser, elle va partir en Non, flammes, c'est un auto électrique. Fait que le bon, monde du gaz laissait ça partout. aller. Le gars, il sort tout seul. Puis là, les Chinois sont comme, ah, oh, wow, il est vivant. Là, il laisse aller, regarde, il ne check même pas, il ne demande pas, est-ce que tu vas bien? Il laisse aller, de toute façon, il ne parle pas anglais. Il laisse aller. L'autre, il voit Nicolas Prost même pas revenir voir est-ce que j'ai blessé mon coéquipier d'une autre série. Non, non, il s'en va vers la sortie, le gars. C'est classe L'autre, quand même. il court après, puis il est comme, hey, qu'est-ce que t'as fait là? C'est comme, puis il s'engueule. Ils s'engueulent les deux. Moi, j'aurais pitché mon casque par la tête. Ouais. Ça a vraiment pas d'allure. Non, ça a été un manque de classe. Puis c'est drôle sur Twitter. Ils se sont reparlés après ça sur Twitter. Puis tu vois, tu sais, Nicolas Prost dit à l'autre, ah, tu sais que j'aurais jamais fait ça. Puis tout ça, tu me connais. Puis tout. Puis l'autre gars, il dit comme, ah, c'est tout oublié, c'est correct. Je sais que t'es pas comme ça. Mais garde, là, je veux dire, tu regardes la C'était quand reprise, là. Puis même. Non, non, non. il l'a fait, là. Écoute, je donne pas mon fan boost à Nicolas Prost, ça c'est sûr. Non. On peut-tu donner le contraire d'un fan boost? Genre, il a enlevé une C'est couple de ça, il kilowatts. t'enlève. Mais Thumbs up, thumbs down, hein? faut avouer que ça a fait un maudit bon spectacle, puis ça a fait Pas que de tout le jaser. monde en a parlé, que si ça Exact. avait fini comme ça aurait dû finir, personne n'en aurait peut-être parlé. Absolument, absolument. C'était comme idéal, comme fin, même. Ça a été dramatique, Ouais. mais tout le monde à travers la planète en ont parlé. C'était non seulement la première course entièrement électrique, mais en plus, c'était une course qui était le fun, qui était excitante. Puis l'accident vers la fin l'a prouvé aussi qu'il y a du monde qui voulait vraiment gagner dans cette course-là. Oui. Ouais, ça a été une super bonne course. Moi, ça m'a gardé intéressé tout le long. Le son, ça vous dérange-tu? Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Ça sonne un peu comme des vaisseaux de Star Trek, quelque chose comme ça. Ça m'a pas dérangé pantoute. Moi, j'ai bien Pas aimé du ça. tout. Ce qui est le fun, c'est qu'on entend les pneus, le crissement des pneus quand il y a des virages, puis quand c'est des virages qui Renoncer. dérapent, on les entend vraiment bien les pneus. C'est pas Il y comme a un en changement Formule de vitesse aussi, là. C'est 1. un pour Ouais. vous. Ouais, C'est vrai. puis ça serait une super bonne course à amener à Montréal, ça dérangerait pas le monde qui reste sur le bord de la À piste, ça arrive-tu? Chalon-Mer. Ouais, c'est Dans vrai. un calendrier en plein mois de février, ça Est-ce serait qu'on pourrait magnifique. le donner à Québec? Vraiment, le Montréal, il y en a assez. Ils ont là une il y a le Formule Ben, 1. on aurait une On piste pour dépense. commencer, là. Il faudrait une Toujours ben piste pas acheter de intéressante. piste en plus. Ouais, mais Ouais. dans le Vieux-Québec, je sais pas si ce serait pas possible de faire une piste dans les rues de Aïe, Québec. aïe, Côte, c'est dur mais. d'y aller avec une vraie auto. Peut-être. Y aurait plus d'accidents, disons. Ça Ouais. serait très excitant. Ouais, ça pourrait être le fun d'avoir quelque chose comme ça au Québec. On se dit la, tu sais, la province la plus électrifiée au Canada, ça serait le fun d'avoir quelque chose qui représente Exact. un peu. Mais peut-être un jour, on sait jamais. Mais Fait que, est-ce qu'ils vous ont piqué l'intérêt pour la prochaine course? c'est sûr. Ouais, hein, Ah, c'est loin, sûr. par exemple, Ouais, le mois de un novembre. mois. Ouais, ben, En même novembre. plus, juste en Ouais. novembre. Ouais. Fait qu'on n'a rien du mois d'octobre, faut attendre au mois de novembre pour voir quelque Ouais. chose d'autre. Je sais On va pas. écouter On analyse les autos à grandeur, voir qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, On va c'est ça, mais je sais pas pourquoi qu'ils tirent ça tant que ça. C'est-tu juste pour le mettre sur un plus Le laps de calendrier a temps? changé. Le Ouais. calendrier a changé parce qu'initialement, il était supposé d'en avoir une en octobre, puis ça a changé. OK. OK. Fait que ça, toutes les dates ont bougé. Regarde, c'est la première année. Ils ont des petites erreurs de parcours ici et là. Je pense que pour la deuxième année, ça va être beaucoup plus serré. Puis disons que ça va leur donner une chance aussi parce que là, ça leur a permis d'expérimenter un peu plus c'était quoi une course en plein milieu d'une ville. Puis, ils ont sûrement des choses à organiser un peu mieux, etc. Fait que ça va leur donner une chance aussi aux équipes de se recentrer puis d'améliorer le tout pour le prochain spectacle. Ouais, j'imagine. Parce que c'est ça, c'est un peu ce qu'ils visent, c'est technologie et spectacle. C'est ça. Fait que c'est supposé donner un show. Puis je pense qu'en fin de semaine, ils ont réussi leur coup. Puis j'espère qu'RDS va présenter Tant qu'on toutes les tombe pas dans courses. la télé-réalité stagée, ça va être parfait. Ouais, ça va être pas pire. Ça va peut-être prendre un Mais peu de temps pour ça. RDS va présenter toutes les courses, ça c'est prévu. Bon, OK. ben, si, ça va me faire de quoi regarder d'intéressant. C'est pas pire. Fait que merci messieurs, ça a été bien intéressant. On en reparlera lors des prochaines courses ou s'il y a des dénouements d'ici le mois de novembre, s'il y a des changements ou peu importe, on en rejasera. Moi c'est j'ai trouvé ça bien bien le fun. Puis en plus t'as pas besoin de bouchons quand tu regardes ça, c'est le fun. Le monde, les spectateurs ont pas besoin de se mettre des bouchons dans les oreilles pour pas être sourd le lendemain. Ça doit Fait être changement, ouais. j'imagine. Ouais, c'est assez intéressant. Puis les autos sont belles, puis tout ça. Non, Hey, c'est vraiment le fun. juste pour finir, il y avait quand même 75 000 personnes sur le site. C'est quand Il même y a pas eu pire. 40 millions de Ouais, mais là, c'est en Chine, téléspectateurs. ça, c'est pas tant que ça en Chine. Ils ont vidé le dépanneur du coin, puis ils ont rempli les Ouais. estrades. C'est pas tellement compliqué en Chine. 75 000 personnes, tu retrouves ça dans un McDonald's, là, du dîner. Je dirais pas. À peu près. Ouais. Mais non, c'est quand Ben même non, bien. C'est c'est. quand même 75 000 personnes qui ont payé pour avoir des billets pour aller dans les estrades. Pour aller voir une course expérimentale, Ouais. elle reste. Puis à la télévision, 40 millions de téléspectateurs. Il y a eu 1 milliard d'interactions sociales sur Twitter, sur Facebook. Donc c'est beaucoup, là, ça a beaucoup, beaucoup fait parler. Ouais, mais j'espère que ça va J'espère. continuer. Ça mérite sa place, je pense. Oui, C'est ça a un bon. intéressant. Ouais. Fait que là-dessus, messieurs, on va finir cette émission finalement spéciale sur la Formule E. Si on veut vous rejoindre, Simon-Pierre, comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre? Au site de l'Association des véhicules électriques, au aveq.ca, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur YouTube, on est sur Flickr, on est partout. C'est pareil comme Dieu. Partout. Et puis toi, Martin, si les gens veulent te rejoindre quand t'es pas dans un camion, là, comment est-ce qu'ils font? À part te faire des tatas sur le bord de la 40 Pouvoir ou. faire des attentes ou m'appeler au téléphone, en général, on peut me rejoindre sur la plupart des réseaux sociaux, peut-être pas autant que. Mais bon. T'es pas sur YouTube, toi? Non, ben je suis pas partout non plus. Ok, c'est bon. Mais non, sous mon nom, Martin Sagala. Donc c'est pas bien ben compliqué. Sinon, parfois, quand le temps me le permet, j'écris parfois sur le site du podcast à Luc. Ouais, une fois de temps en temps. Mais c'est De temps correct, à j'écris pas plus souvent là, fait que c'est correct. autre. Puis toi, Jean-François, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Sur Twitter à JFLIU. Puis t'as ton blog, mais Ouais, bon. ça, on n'en parle pas tout de suite, ça. Non, parce que Non. c'est un champ non labouré. C'est ça. Ouais, à un moment donné, peut-être, faudrait-tu À un remettre moment un petit donné, je peu vais de en temps parler, c'est là-dessus. ça. Quand t'auras du temps. Ben, si tu parles Mais de c'est ça. machinerie. Ouais. Puis moi, sur Twitter, c'est AskAlazormo. Il y a aussi Twitter à Podcast Auto. Il y a le site du Podcast Auto qui est podcastauto.ca. Et puis, vous pouvez me lire à chaque semaine sur le blog de Kijiji à fr.kijijiblog.com pour mes chroniques automobiles. Juste aller sur Auto, puis c'est là. Donc, juste aller voir ça. Puis, ben, nous autres, on se reparle la semaine prochaine. Fait que merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté, puis on se dit bye. Bye bye. Bonne soirée.